Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Jérémy Lorca. Salut Jérémy, comment tu vas ? Ça va très bien et toi Sofiane ? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Bon, ben le plaisir est partagé. Et donc là, en ce moment, on attend de reprendre les scènes, tout ça. Mais ça fait vraiment plaisir de pouvoir te parler et de se remémorer un petit peu nos galères et nos carrières respectives. Ça fait toujours du bien de revenir un petit peu, de regarder en arrière et de se rappeler de ce qui fait qu'aujourd'hui, on a hâte de remonter sur scène. Ah, mais on a tellement hâte. Mais c'est trop drôle que tu m'aies demandé de raconter une galère de scène. Parce que tu sais, on a souvent tendance à effacer les mauvais souvenirs, entre guillemets. On garde que les bons. Et en fait, en y pensant, je me suis dit, mais j'ai pas eu une galère sur scène. J'en ai eu 120 000. Enfin, je sais pas si toi, t'en as eu beaucoup. Mais moi, il m'est arrivé 1000 trucs sur scène, en vrai. Tout le monde, je pense, tout le monde, tu vois. Mais on a une espèce de fonction, tu vois, genre effacement automatique, qui fait que le cerveau, par espoir de survie, préfère effacer ces épisodes-là. Et quand tu vas creuser, c'est là que tu te rappelles. Et tu dis, ah ouais, c'est vrai, ça m'avait fait mal et tout, tu vois. Oh ouais. Mais tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de gens. Maintenant, il faut savoir que déjà, je suis nul en impro. C'est-à-dire que par exemple, si un téléphone sonne, je vais dire « décrochez pas s'il vous plaît » et là, je serai au max. Et du coup, étant nul en impro, maintenant, je préviens les gens. Je leur dis « voilà, on va passer un moment gênant s'il se passe quelque chose, un imprévu. » Donc, éteignez vos téléphones portables, ne vous battez pas, ne kidnappez pas un gosse, ne mangez pas une pizza parce que je ne saurais pas interagir. Vous avez l'impression d'avoir payé pour rien. Vous dites « mais il est pas compétent dans son travail ». Moi, je vais être gêné, vous allez être gêné, ce sera un moment de malaise, ne le faites pas. Parce que je te jure, Sofiane, j'ai eu des gens qui m'ont tout fait. Je me souviens d'une nana, je crée mon spectacle, mon deuxième spectacle à Avignon. Et comme ça avait plutôt bien marché, je m'étais dit, bon, bah ok, j'investis un peu, je paye une captation pro pour pouvoir à la rentrée enquiller avec des images pro, tu connais, tu sais, pour les interviews et envoyer à la presse, quoi. Mm-hmm. Donc, j'installe le matériel, etc. L'équipe, elle vient. Tu vois, il y a genre une caméra, un perchman, un caméraman, je suis équipé son. Il y a une nana qui se met en dessous de la caméra. Et elle sort un paquet de chips. Oh non! C'est pendant mes vannes, ça fait. Et moi, je pense à ce que j'ai investi. C'était un investissement de payer une équipe technique quand même. Et je me dis, mais je peux pas perdre ma captation, tu vois. J'avais motivé, la salle, elle était remplie, etc. Et tout. Après. Donc, je lui dis, s'il te plaît, tu peux arrêter avec les chips juste en dessous de la caméra. Tu as eu de la chance de pouvoir t'en rendre compte avant la fin du spectacle, quoi. Attends, parce que du coup, bah, je reviens en arrière dans la vanne. J'explique aux gens. Donc, du coup, bon, ça les fait un peu rire quand même. Ensuite, la nana, son téléphone sonne. Oh, je me dis, c'est un humoriste qui me déteste, qui l'a payé. C'est exactement possible, ce que j'allais te dire, c'est quelqu'un qui te l'a envoyé, c'est sûr. Sous la caméra. Et elle me dit, non, mais c'est pas mon téléphone. Genre un peu, tu sais, elle rentre un peu en clash, quoi, tu vois. Moi, je me dis, ok, très bien. Et ça faisait, tu sais, comme un réveil un peu. Ouais, ouais. Ok. À un moment donné, elle sort une espèce de piqûre, de seringue, et elle me regarde et elle se pique devant moi. Je te promets, je ne rajoute rien, c'est vrai. Il y a des témoins dans la salle. Ouais. La meuf, en fait, c'était de l'insuline, quoi. C'était une diabétique, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu te mets devant, sous la caméra, un réveil, tu te piques en me regardant dans les yeux. Mais il y a volonté de nuire à un moment donné. Non, mais tu vois pas. J'avoue que là, c'était bien parti, là, quand même. Oh là moi, là. Je respecte sa maladie, il n'y a pas de souci. Mais tu sais, c'est comme tu as un rappel pilule, bon, ça peut arriver. Mais en gros, si tu as un truc à faire pendant le spectacle, tu te mets au fond, tu le fais très discrètement. Elle, pas du tout. Après ça, elle a sorti une pompote, je te promets. J'ai dû recommencer les blagues. À un moment donné, je me vois, moi, je me connais, tu sais, on connaît nos visages. Je joue, je suis vénère. Non, mais tu vois ou pas? J'aurais trop vu le DVD, tu sais, en one shot que j'étais obligé de garder. À la fin, je voulais la voir, je voulais qu'elle rembourse. Je te jure, tu vous réalisez pas ce que vous avez fait. Vous avez détruit un spectacle. Au-delà d'avoir détruit le spectacle pour tous les gens qui étaient dans la salle, vous avez détruit une captation que j'ai payé une équipe, etc. Vous pouvez pas vous en tirer comme ça. Non mais tu vois. Oh là là là là. Bon, et du coup, comment est-ce qu'elle a réagi quand elle a compris qu'elle avait vraiment mis en l'air le spectacle ? Bah, en fait, la piqûre et la pompote, ça arrivait à la fin. Donc, en fait, j'ai eu toute l'étape, c'est monté crescendo. Elle m'a tout fait crescendo. Et je vais vraiment, en plus, Bah, j'ai coupé évidemment pendant la capta, mais je lui dis, mais t'es payé par quelqu'un? Qui t'a envoyé? Est-ce que c'est un autre humoriste un peu dans le même genre que moi, un peu dans ma catégorie entre guillemets qui t'a envoyé? Non mais Oui, tu en vois. plus non. Et surtout que si tu veux, comme je te dis, je m'en suis à peu près sorti, mais moi, l'impro, ça me terrorise. Parce que, en fait, si tu veux, je sais faire. En fait, les gens rigolaient malgré moi. Mais si tu veux, en fait, rigoler parce que j'étais un peu énervé. Mais en fait, tu sais, j'arrive pas. Maintenant, ça va un peu mieux. Je te parle de ça il y a 3 ans, mais je suis pas une flèche en impro. Mais j'arrive quand même à rebondir un peu rigolo. Mais avant, j'étais juste, en fait, non, fais pas ça. Tu vois pas, je sais pas gérer. Ne fais pas ça. Voilà, Les gens étaient. j'imagine. En fait, les gens, ça les fait rire en vrai, tu vois. Oui, Mais bien ça, sûr, bah oui. ils savent pas que je suis sincère. Mais il voit que tu es en train un peu de perdre le contrôle et c'est un peu le côté on J'avoue. verra jamais ça autre part, tu vois. Bah, tout le monde me dit, ah non, mais c'était trop marrant, etc. T'es trop à l'aise. Et en fait, ils rigolent du fait que je dise que j'y arrive pas. Eux, ils croient que c'est, eux, ça les fait rire, ils croient que c'est inclus. Est-ce que t'es pas passé à côté d'un super duo avec cette fille que tu emmènerais avec toi sur les tournées? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Le savoir-vivre, Sofiane. Le savoir-vivre. Je joue au théâtre du Marais. Un mec au premier rang. J'explique. Donc, maintenant, je raconte une anecdote au début de mon spectacle. Mon spectacle commence en disant, voilà, je suis nul en impro, machin, etc. Donc, pas de bagarre, pas de kidnapping, pas de pizza, pas de salade César. Pas de chips, pas d'insuline. Rien. Vous me faites rien. C'est bon, tu vois. Ok. Il y a un mec, il n'arrête pas de parler. Je l'avais posté sur Facebook, la vidéo. Je le reprends une fois, deux fois, je m'en sors plutôt bien. Ok. Est-ce que Sofiane, t'es prêt à ce que je vais te raconter? Le Vas-y, mec est vas-y. au premier rang du théâtre. Tu connais le théâtre du Marais? Ouais, j'y suis allé une fois pour le spectacle de Greg Romano. Ah bah oui. Donc c'est-à-dire que si tu veux théâtre du Marais pour expliquer aux gens s'ils ne le connaissent pas, c'est un théâtre qui est assez sympa, qui fait une centaine de places. Sauf que le premier rang, c'est ils Ouais, sont collés à toi. C'est-à-dire que le premier rang est très très proche, ouais. s'ils lèvent les yeux au ciel, s'ils sont exaspérés par une vanne, tu le vois, tu sens leur énergie, et pas que leur énergie parfois, tu vois, tu les sens tout court. Il y a un mec qui est au premier rang, il n'arrête pas de parler, ok, bon, moi ça m'énerve un peu. Et en plus, ça se passe toujours quand il y a des journalistes, c'est quand c'est une soirée importante pour toi, tu Eh vois. ben oui. Bref, le gars, je te jure que t'es pas prêt, Sofiane, le gars, tu sais ce qu'il a sorti au premier rang? Vas-y. Un couscous entier. Non. Dans des tupperwares, il avait trois tupperwares, le mec. Ah non, mais là, on a passé un niveau. Là, c'est autre chose. T'imagines, je romps le jeune. Oh non. Oh non. Mes frères, je comprends que t'es faim. C'était le Ramadan, je pense c'était il y a 1 an, cette histoire, ou 2 ans, je sais plus. Mais Sors une pour tarte. fais-le Sors une. discrètement, mets-toi en haut, mets-toi pas au premier rang avec trois tupes. Déjà, et puis voilà, tu sors une date, tu sors, moi ça m'est déjà arrivé aussi, tu vois, mais je veux dire, du coup, tu sors une date, déjà tu te mets dans un coin discret, comme tu l'as dit, et puis tu sors une petite date, tu sors une petite Il a barre sorti un chocolatée. couscous pour 12 personnes. J'ai Mais failli faire des discours. Tu dis ça va, t'as bien rompu. Non mais tu vois. là, il a pas rompu le jeune, il l'a détruit, là. Il a détruit. Et c'est pareil, tu vois, c'est pas. Parce qu'en fait, en gros, t'écoutes ça, tu vois, le mec, c'est un con. Moi, je respecte évidemment. Le mec, il a fait Ramadan, il a faim, mais c'est normal. La nana, elle est diabétique, c'est normal. Mais tu le sais que t'es à un spectacle, ne te mets pas au premier rang et fais-le Non, mais super voilà. discret. Fais Non, pas un exactement. spectacle dans le spectacle. C'est Toi, des ouf. tu respectes. Voilà, ben oui, mais toi, tu respectes en fait le côté maladie et le côté religion et tout. Tu Bien respectes sûr, mille fois, Voilà. tu vois. Mais finalement, je trouve que c'est eux qui t'ont pas respecté, tu Mais vois. pas du tout, c'est la manière de faire. Ils m'ont chié dessus, clairement. Le mec, je l'ai bombé, j'ai hurlé, je faisais des sauts sur scène. J'hurlais, ça m'arrivera pas, ça m'arrivera pas. Pourquoi? J'hurlais. Je te jure, j'ai mis la vidéo sur Facebook. J'étais hystérique. Dans les liens pour te retrouver, je mettrai le lien de la vidéo. Ouais. Ah ouais, si je l'ai encore, c'est sûr. Ah non, mais tu me verras, je saute sur scène, je fais des sauts de cabri. Bah, mais le mec, un couscous entier, il a sorti. J'avoue que c'est balèze. Est-ce qu'au moins, en tant que. Parce que j'imagine qu'il est originaire du Maghreb, est-ce qu'au moins, en tant que bon maghrébin et tu vois, le côté hospitalité et tout, est-ce qu'au moins il avait prévu une deuxième cuillère pour toi? Il n'avait pas prévu de deuxième cuillère pour moi. Moi, j'adore, tu sais, les pâtés, ça se fait beaucoup quoi, pour fêter le soir. Il y a des pâtisseries avec du miel. Je dois prononcer mal. C'est comme tu vois ou pas? Chebakia. Kebakia, exactement. Voilà. J'adore. C'est au miel et au sésame. Au moins, j'aurais Ouais. kiffé 2 secondes. J'aurais fait une pause. Je l'aurais mangé sur scène. Mais là, rien. Walou. Ah, Trois c'était. tupperwares. Trois. Ah oui, mais là, le mec, c'était un attentat finalement. Tu vois, il Non, était. mais... Ah, mais il avait préparé son coup, tu sais. Le matin, je l'imagine dans sa cuisine. Alors, le tupperware de semoule, c'est bon. Le tupperware de légumes, c'est bon. Le C'est ça. tupperware de viande, c'est bon. Tu vois, ah. Oh, Il avait le mec, il avait une checklist. Il avait une checklist, tu sais. Je te jure. Et il a fait ça au premier. Et surtout qu'au début, tu sais, comme il parlait beaucoup, je le reprenais. Je lui ai dit, tu sais, au début, j'ai dit machin, etc. Soit machin et tout. Tranquille. Le gars, il finit par ça. Il me fait une apothéose. Bref. Donc, j'ai eu ça. Ouais. Après, je pense qu'on a tous eu. Il faut savoir que même, évidemment, que même les artistes, les humoristes, mais méga restas en France, aux États-Unis, où tu veux, ils ont forcément bidé. Tu vois, quand tu testes, tu bides, tu vois. C'est comme ça que tu construis tes passages. Hein. Évidemment, mais le pire, Sofiane, je ne sais pas si ça t'est arrivé, c'est de bider sur un passage hyper sûr. Ah oui, oui, oui. Frère, pour qu'on explique aux gens, un passage super sûr, ce n'est pas de la prétention. C'est juste que c'est un passage que tu as bossé, qui fonctionne quand même. A priori, il y a des rires de manière assez, de manière assez régulière. Et du coup, tu te dis, bon, ça fonctionne dans plusieurs, avec plusieurs types de publics, plusieurs catégories, machin, etc. De lieux. Validé, quoi. Un passage un peu rodé, quoi. Contextualise et là, je suis obligé de te nommer. Parce qu'on en rigole, c'est devenu une anecdote. Il faut savoir que dans ce métier, comme toi, on a tous des amitiés. Et moi, je suis assez proche d'un mec qui est plus jeune que moi. C'est un peu comme un petit frère dans le métier. Il s'appelle David Voinçon. Tu connais David ? Bien sûr, bah il est de chez nous, il est de Bordeaux. C'est Bordeaux, exact. Enfin, il est à côté de Bordeaux. Oui, il est d'Arcachon. Il est du Teche, exactement. Je connais sa famille également, oui. Exactement. Et tu vois, et David, c'est vraiment, pour moi, comme un petit frère, tu vois. Donc, je l'ai beaucoup poussé au début. Très vite, il n'a plus du tout eu besoin de que je le pousse parce qu'il s'en sort très bien. Maintenant, il a 1 million de followers sur Insta, il a des producteurs, enfin, il a tout ce qu'il faut, il n'a pas besoin de moi du tout. Mais au début, je l'ai quand même encouragé, tu vois, parce que c'était mon pote, je croyais en lui et tout. Et on avait quand même, tu vois, souvent, il avait répété son spectacle chez moi, etc. Et du coup, il est produit par Robin Prod, il joue au Petit Palais des Glaces. Et c'est sa dernière. Et il m'appelle, il me dit, écoute, Jérém, symboliquement, ça me ferait super plaisir que tu fasses ma première partie pour ma dernière au Palais des Glaces, tu vois. Mm-hmm. Et moi, je dis, bah ouais, grave, avec plaisir. Et il se trouve qu'en plus, c'était mon dernier plateau de l'année. Écoute bien le contexte, hein, Sofiane. Dernier plateau de l'année. Et c'est pas que je me suis saucé, c'est juste qu'en fait, j'ai fait un bon trimestre, entre guillemets. C'était en décembre, je crois, 2019. Et en fait, c'était entre septembre et décembre, j'avais fait plein de trucs, j'étais dans une bonne dynamique, j'étais rentré chez Click, mes passages, ils se passaient bien. Je faisais les premières parties de Mathieu Madénian, au théâtre du Rond-Point, ça se passait super bien. Je faisais les premières parties de Marina Rollman au théâtre de l'œuvre, ça marchait super bien. Avec le même passage, tu vois. Et là, je me dis, trop cool, je termine par mon petit frère, le passage, etc. Trop bien, je revois son spectacle, je suis trop content, tu vois. Mm-hmm. Et il me dit, ah, c'est trop cool parce qu'en plus, tu verras, c'est bien que tu détendes un peu l'atmosphère parce qu'il y a des pros, il y a mon attaché de presse qui est là avec des journalistes, il y a mes producteurs, etc. Il y a pas mal de gens du métier ce soir et tout, donc ça me rassure aussi que tu sois là. Ok, trop bien. J'y vais, franchement, c'est mon pote, mais sans pression, parce que c'est un passage qu'on connaît, tu connais, toi, t'as ton passage, des passages qu'on connaît presque par cœur, tu vois. Oui, voilà. C'est un peu de manière un peu mécanique, on les connaît par cœur, mais tu sais que tu peux débiter de manière comme ça un peu, tu vois, donc j'y vais tranquille. Je descends sur scène, Sofiane, là, je passe ma première vanne, pas de rire. Aïe. Okay. Pas de rire. Je fais un défilé de mode où j'imite les mannequins hommes et femmes. Mmh. D'habitude, les gens, ils rigolent, ils m'applaudissent. Pas un rire, pas une applause, rien du tout. Aïe. Et je dis, ah bah d'habitude, on m'applaudit pour ça, tu vois. Et là, quand je dis ça, les gens, ils applaudissent a priori dans ma tête. Eh ben non, ils applaudissent toujours pas. Même pas. Non, et là, les gens, certes, étaient consternés par mon humour, Sophie. Oh là là. Ils me regardaient, ils étaient affligés. Il y a une meuf, elle a regardé ses textes. Elle avait tellement marre au premier rang, elle a sorti son téléphone, elle a lu ses textos. Oh là là là là là. C'est-à-dire que j'ai pris un tunnel, mon pote, mais un tunnel. Et le pire, c'est quand tu. C'est-à-dire que le tunnel m'a pas laissé. C'est le tunnel sur la Manche, il te laisse à Londres. Non, moi, il m'a laissé en Irlande. Il a dépassé Londres. Tu vois pas. Oh, je compatis tellement, ça arrive. Ça a duré combien de temps le passage ? Pour moi, ça a duré une éternité. Je t'explique pourquoi. Je sais pas si toi, tu as la même sensibilité que moi par rapport à ça. En fait, moi, je m'en foutais de bider. Enfin, on a déjà tous bidé. On n'a pas d'ego là-dessus. Moi, j'étais super gêné pour David. Il y a des pros. Je suis en train de lui mettre une ambiance de merde. Et en fait, le problème, c'est que je me disais, je peux pas partir mal. Je suis obligé de partir sur un rire. Je peux pas le laisser comme ça. Donc, je continuais. Mais plus je continuais, il y avait toujours pas de rire. Tu vois, ça fait le mec qui voulait pas quitter la scène. Mais je comprends parce que quand quelqu'un te prend en première partie, tu sens qu'il t'a fait confiance et tu as envie de vraiment de pas le décevoir et tout. Et puis surtout, tu as envie de. Tu sais, tu veux que quand on fait l'espèce de passation de pouvoir avec le micro, tu as envie que la personne, elle se dise yes, j'ai bien fait de le prendre en première partie. Et le public est chaud. En plus, David, pour moi, c'était vraiment symbolique. Je le considère vraiment comme un petit frère, tu vois. Donc, c'était vraiment, je te mets dans une, vraiment le grand frère, il ne m'écassure pas du tout, et je le mets dans une sauce, quoi. Tu te sens coupable et tout, ouais, je comprends, je comprends. Au bout d'une éternité, je finis par me résigner, je quitte la scène, tu vois. Ouais. Et je me dis, là où j'ai un peu d'ego, je me dis, bon, c'est peut-être le public qui n'est pas chaud ce soir, tu vois, tout simplement. Lâche l'affaire, c'est le public, il n'est peut-être pas en... Tu sais, parfois, ça arrive que les gens, tu sais, pour X raisons, il y a un truc qui se contamine un peu dans la salle ou il y a une espèce de karma un peu chelou. Je me dis, c'est peut-être aussi... Vrai... C'est le mec qui se remet pas en question. Je me dis, c'est peut-être aussi les gens, tu vois. Attends. Les rires sont communicatifs et les silences aussi, quoi. Exactement. Je me casse. David, il arrive. Première vanne, applaudissement. Non, mais tu vois... Oh, mais ça, tu sais, c'est comme sur un plateau, quand t'arrives et que tu bides, et tu dis, ouais, bah, ça se trouve, c'est le public qui est pas chaud et tout, et celui d'après, il retourne la salle, tu dis, ah bah non, en fait, c'était moi. Et j'ai été, mais je te promets, tu sais que j'ai été mal pendant 2 jours, pas par rapport au public, par rapport à David. Mais David, lui, je le nomme, parce que David, tu lui racontes cette histoire, il s'en souvient, il éclate de rire, lui, il est mort de rire, tu vois ou pas? Mon pire four, c'est sa première partie, c'est mon pire four. Non mais tu vois ou pas? Même lui, il était gêné de m'avoir mis dans une galère. Ouais, mais c'est ça en fait, c'est une gêne mutuelle. Et de toute façon, quand t'es humoriste, si t'as un collègue qui se plante en première partie, ben ouais, tu lui en veux pas parce que tu sais qu'il a fait de son mieux. En plus, t'as joué ton sûr. C'est pas comme si t'avais dit bon bah ok, je fais ta première partie, mais je te préviens, je vais prendre des risques et tout. Non. T'as vraiment pris l'autoroute et malheureusement, il y avait aucune sortie quoi. Il n'y avait aucune sortie. Et le pire, Sofiane, c'est ce qui m'a miné, c'est qu'en fait, j'avais fait comme un... C'est comme si tout avait été effacé dans ma tête, les bonnes scènes que j'avais faites, parce que c'était ma dernière scène de l'année. Après, je ne pouvais pas me refaire. Il y avait 15 jours de vacances, tu vois. Ça y est, terminé. Oh là là, je comprends. Mais tu sais, c'est comme si, en fait, ouais, tu avais l'impression que tout le bien avait disparu, alors qu'avant, tu as cartonné. C'est un petit bémol, tu vois, c'est un petit grain de sable dans l'engrenage, mais c'est pas grave, tu vois. Voilà, c'est comme, moi, j'ai l'impression que c'est comme les critiques négatives. Tu sais, quand tu es sur Billet Réduc, par exemple, oui. Tu as que des positives. La première fois où tu as une négative, tu oublies toutes les autres. Mais c'est ça. Et en fait, je trouvais que la sentence, elle était double dans le sens où, bon, ok, tu bides, ça va, on l'a déjà fait. Même si moi, c'était ma dernière de l'année, ça fait chier de terminer par un bide alors que t'as fait un bon truc. Tu vois, enfin, t'as passé des bons moments, on va dire, t'as fait une bonne année artistique, entre guillemets. Tu termines par un gros bide, ça te fait un peu chier. Mais surtout, c'était le fait que ce soit un ami. Tu vois, que ce soit vraiment. Ça fait chier de ouf. Tu bides sur un plateau, on s'en fout, tu vois. Tu bides en première partie d'un pote où il y a ses producteurs, son attaché de presse, les journalistes, mais je suis même pas. Tu sais que j'avais tellement honte, je suis même pas resté à la fin, je suis parti. J'ai même pas dit au revoir, je me suis cassé. Aïe, aïe, aïe, d'accord. L'horreur totale. D'accord. Donc ça fait partie quand même des petites galères de ma vie d'humoriste, quoi. Mmh. Ah, mais je comprends, mais après, je pense que le fait que lui ait cartonné derrière, parce que j'imagine que tout le spectacle s'est bien passé. Il a cartonné de ouf, j'étais trop fier de lui, il a cartonné. Bah, justement, là, je pense que ça devrait t'enlever la culpabilité, peut-être te dire. Et puis après, je me suis dit aussi, tu sais, pour me rassurer, je me suis dit, David, il est très jeune, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un mec qui a 21, il a 22 ans maintenant, et donc il avait 21, évidemment, l'année dernière. Donc, du coup, moi, j'ai quand même 38. Donc, parfois, j'avais des références. Je me dis, peut-être, il y a quand même un gap générationnel entre son public et mon public, peut-être aussi, tu vois. Oui, ouais, certainement. J'ai essayé de me consoler comme ça. Non, mais t'inquiète pas. Son attaché de presse, il avait mon âge, il n'a pas décroché un rire non plus, tu vois. Oh, yo, yo. Non, mais tu sais, il y a des jours avec et des jours sans. J'aurais compris que tu te sentes coupable et tout, tu vois. Si vraiment derrière, tu avais plombé l'ambiance pour lui, j'aurais compris. Je t'aurais dit, ouais, c'est vrai que tu peux te sentir mal et tout, malheureusement. Voilà. Mais là, non, c'est pas grave. Si tu veux, l'important, c'est que ton passage n'ait eu aucune incidence positive ou négative sur son passage, tu vois. C'est comme si c'était juste une espèce d'entracte. Et puis après, les gens ont apprécié, ils sont venus pour lui. Tu sais, parce qu'il y a aussi un truc, on va pas se mentir, il y a des publics qui sont très pragmatiques. C'est-à-dire, je suis venu voir tel artiste. Tu peux je me rigolerai mettre pas pour l'autre, pour un autre. Voilà. Voilà, tu peux me mettre n'importe qui en première partie, je rigolerai pas pour lui parce que pour moi, j'avais pas prévu quoi, tu vois. Donc j'ai prévu une quantité de rire, ma quantité de rire est réservée à l'artiste principal. Non mais t'as raison, c'est tellement ça. C'est tellement ça. Et est-ce qu'on brise un tabou ensemble, Sofiane, ou pas? Tentons notre chance, allez. Sans nommer évidemment, sans nommer. Est-ce que toi, tu as eu des galères, genre avec des salles, tu as dit, mais qu'est-ce que je fous dans ce bourbier, quoi? Tu t'es retrouvé dans des situations, mais moi, écoute, sans nommer, sans donner trop d'indices, etc. et tout, j'ai eu des situations. Bah déjà, moi, la première fois que j'ai vendu mon spectacle en plein air, c'était au lendemain des attentats de Nice. Aïe. Et en fait, moi, c'était ma première. Quand tu, on, il faut savoir, c'est la première. Quand tu es artiste, tu commences. Pour les gens qui connaissent peut-être pas le métier, tu joues ton spectacle, tu as ton heure, et au départ, tu n'as pas forcément un producteur. Donc, tu es en auto. Je sais pas si toi, tu es en autoproduction, Sofiane. Ouais, je suis tout seul, quoi, tu vois. Ouais. Bah, moi, j'étais tout seul au début, évidemment. Et du coup, au début, bah, tu te démènes un peu pour trouver des lieux où jouer en région. Et du coup, moi, j'étais super fier parce que c'est la première fois que je vendais mon spectacle à une mairie. Tu vois, Ah. donc c'était plutôt cool et c'était un plein air. Sauf que plein air, au lendemain des attentats de Nice, la France en état d'urgence. Oui. Et du coup, comme l'attentat a eu lieu ben, en plein air, puisque c'était des gens qui marchaient dans la rue et tout, j'imagine qu'il y avait une grosse tension autour de ton spectacle, quoi. Attends, attends. Et moi, si tu veux, là où j'ai joué, c'est là où il y avait une espèce de. On avait retrouvé, en fait, les. En fait, il y avait une espèce de filiale terroriste, ou je sais pas encore. Enfin, ils avaient trouvé des gens dans ce village-là où je jouais, moi. Tu Ah vois? oui, d'accord. Et Donc, je tu avais jouais un carrément un spectacle. lieu. Ouais, tu avais carrément un lien avec Oui, exact. les La événements. ville avait un lien avec avec les attentats de Nice. Ouais. Et du coup, je joue ce spectacle. Et en fait, mon premier spectacle. Bah, il s'appelait Bon à marier, cherchait clairement, c'était l'histoire d'un mec qui cherchait un mec, quoi, tu vois, donc un spectacle quand même qui parle des thématiques gays, etc. Donc un peu en plein air déjà, je dis pas, je suis pas en train de me brosser, mais bon, t'es en plein air, c'est en plein air, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, tout le monde peut y aller, te huer, machin, etc. Bon, ok. Mais moi j'étais content. J'arrive sur place et je vois la scène et je vois les gens collés à la scène, rien Ouais. autour. Et je me dis, mais il n'y a pas des barrières, il n'y a pas de la sécurité. Et il me répond, bah non, en fait, on n'a pas prévu de sécu comme t'es pas connu. Ah, ça fait tellement mal. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette phrase-là? Ça, mot pour mot, de point ouvrir les guillemets, il me dit ça. Bon, ok, très bien. À l'époque, je commençais le métier, tu vois. Donc, depuis, je pense qu'après 2 ans de métier, tu n'as plus d'ego du tout, c'est t'as sous-entendu, mais au départ, on te dit ça, tu commences le métier, bon, évidemment que tu n'es pas connu, tu vois, mais tu dis, bah, dis donc, la manière de le dire, c'est pas très. Tu aurais pu le dire différemment quand même. Évidemment que je ne suis pas connu, mais bon, du coup, c'est vrai que je débarquais de nulle part, mais ok. Donc, pas de sécurité, je trouve ça un peu rude la sentence quand même, tu vois. Et je joue mon spectacle. Et donc, ça s'est super bien passé. Sauf que bah, tu as des chiens qui aboient. C'est le plein air, c'est le plein air. Attends, je n'avais pas prévu un truc. Je jouais à côté de l'église du village. À 9 h, j'ai dû attendre les 9 coups que ça s'arrête en pleine vanne. Donc, ça. Et à la fin, donc, moi, je n'avais pas du tout. Et en fait, tu sais, la nuit, elle est tombée. C'était l'été. Et je te promets, je voyais que des yeux. On aurait dit qu'il y avait des loups en face de moi. Et j'ai eu une espèce de demi-seconde où mon esprit a basculé. Parce que on sortait vraiment d'un attentat hyper grave à Nice, etc. Et tu sais, je me suis fait une espèce de demi-seconde de parano en me disant, t'imagines, il y a quelqu'un qui tire, qu'est-ce que tu fais? Et j'y ai pensé une demi-seconde et c'est parti, j'ai continué à jouer. Mais ça a été une épreuve, c'était un truc. Je crois que le plein air, je suis plus sûr de le refaire, tu vois. Bah, le problème, le plein air, clairement, c'est galère et je suis C'est le premier. galère. Alors, au lendemain d'un attentat qui a eu lieu en plein air, chaud, hein. En plus, voilà, mais même en temps normal, le plein air, c'est chaud. Mais le problème, c'est qu'avec le Covid, là, la crise du Covid, malheureusement, là, pour cet été, par exemple, il y a de grandes, grandes chances que tous les événements soient organisés en plein air, même ceux qui étaient prévus en intérieur, en temps normal, quoi. Ah ouais, non, mais compliqué, hein. Compliqué parce que, et en fait, si tu veux, il y avait tout qui allait pas, entre guillemets. C'est-à-dire que, tu vois, évidemment, on n'est pas des restas, machin, c'est pas la question. Mais c'est juste que là, les gens étaient collés à la scène, tu vois, en plein air, il n'y avait même pas une barrière, il n'y avait rien, quoi. Tu Ouais, vois? en gros, bah, clairement, quelqu'un aurait pu te faire du mal à toi, quelqu'un aurait pu accéder au public pour lui faire du mal, donc De ouais, ouf! il y avait aucune. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu n'aurais pas envie de rejouer en plein air pour voir s'ils mettent de la sécurité et te dire, ah, ça y est, j'ai percé? Bah écoute, tu sais, c'est drôle parce que ma prod, elle m'a proposé un truc en plein air. Ils m'ont dit que c'était des bonnes, comment dire, que les gens étaient très très cool, une très chouette organisation, très respectueux et tout. Donc je leur ai fait confiance. J'ai dit ok, mais je leur ai quand même dit, moi j'ai cette expérience-là. Ils m'ont dit non, mais t'inquiète, machin et tout. Ouais, après, s'il y a de la sécu, c'est que j'ai percé, t'as raison. De ouf. Mais oui, Et est-ce que c'est possible. toi, T'as déjà eu, parce que pareil, moi j'ai plus ou moins arrêté les cafés-théâtres. Les cafés-théâtres, c'est pour les gens qui connaissent pas trop le boulot, qu'on explique un peu, c'est que tu y vas, tu joues ton spectacle, tu te fais un peu connaître, etc. Mais en général, c'est des petites jauges. Et en général, tu repars pas vraiment avec des 1000 et des 100 en termes d'argent, parce que tu fais un 50-50 avec le lieu, mais t'as parfois les déplacements à tes frais. Enfin, tu vois, ça peut être cool comme ça peut être des plans galères. Tu vois, les cafés-théâtres. Et est-ce que tu as eu des plans galères en termes d'accueil dans les cafés-théâtres ou pas? Alors, que je réfléchisse. Galère. Alors, très honnêtement, non. Franchement, moi, j'ai plutôt eu de belles expériences en café-théâtre. Je me rappelle notamment d'un café-théâtre dans lequel il y avait, tu sais, genre, le mec était super gentil, il te filait un appart et tout. Et puis après, il avait des fromages, tu sais, c'était en Auvergne et tout. Il avait des fromages d'Auvergne. Tout ça, ah, laisse tomber, moi je me faisais du Saint-Nectaire juste avant de monter sur scène, que demande le peuple, quoi, tu vois. C'était... Sinon, ah non, mais il y a des gens, parfois, ils t'accueillent, ouais, mais de manière tellement, tu sais, tu vois très bien que parfois, c'est des petits cafés-théâtres, ils n'ont pas des moyens de ouf, tu vois, t'es logé un peu chez l'habitant, etc., mais ils sont tellement discrets, ils essaient tellement de bien t'accueillir de manière un peu respectueuse, et que tout va bien. Mais parfois, il y a des gens. Moi, je me souviens d'un théâtre, j'étais arrivé. Et déjà, dans la voiture, c'est le mec, il avait une espèce d'accent. On était dans le sud, une espèce d'accent du nord, tu vois. Il parlait un peu comme chaud, quoi, tu vois. Et je disais, ah bah, elle est sympa cette gosse, c'est pas une ville ici à Kokidi. Tu vois, il parlait comme ça, le mec. Et c'était un gros truc, je me souviens, c'était un gros truc. Il y avait genre, pour le coup, c'était un gros truc. Il y avait 250 personnes, je crois. Ah oui, c'est énorme pour un café. Ouais. Et ce qui était fou, c'est que j'avais fait complet sur les trois soirs. Génial. Ouais, et c'était au tout début d'Europe 1, tu vois. Donc, ouais. Du coup, après, peut-être le mec avait fait une bonne com, j'en sais rien. Mais toujours est-il complet. Donc, c'était quand même un peu des trois dates cool quand tu commences un peu dans l'humour et tout. Et le gars m'amène, puis il me dit, je préfère te laisser là parce que la partie, il est à 15 minutes de bagnole. Et moi, je dis, bah ouais, il n'y a pas de problème, sauf qu'il est 14h et je joue à 20h30. Tu vois. Que vais-je faire de ma journée? Il m'ouvre et en fait, je vois qu'il y a une loge avec une douche, un canapé, etc. Et je dis, ah bah, franchement, il n'y a pas de souci, tu vois. Ouais. Et je lui dis, est-ce qu'il y a un truc pour manger? Il me dit, bah ouais, il y a une boulangerie, faut que tu marches 10 minutes, quoi. J'avais faim, il était 14h30, Sofiane, tu vois. Ah, tu n'avais pas déjeuné, ouais. J'avais pas déjeuné, c'était dans le train. Et du coup, j'arrive. Et en fait, c'était sur une espèce de rocade. C'est-à-dire que limite, tu risques ta vie pour aller à la boulange. Tu vois ou pas le truc? Tu longes une nationale. Non, mais ouais, tu vois le truc? T'as même pas le droit d'être là, il n'y a pas de piéton. J'arrive, la boulangerie, elle est fermée. Oh. Je vois un truc bio qui ferme le rideau pour toute l'après-midi, fermé tout le week-end. J'ai chopé deux amandes avant de partir. Le mec m'a laissé. Tu lui dis, j'ai faim, t'as pas un truc? Non, j'ai rien. Le mec était tellement rat, il faisait restaurant le soir. D'accord. Il m'a laissé dans la loge. De 14h30 à 20h30. Bah, attends, okay. Il fait restaurant, il aurait très bien pu te préparer un petit truc vite fait, ne serait-ce qu'une omelette. Attends, t'es pas au bout de tes peines. moi, je joue, mais je m'en foutais de faire rire. Je pensais qu'à la bouffe, tu vois ou pas? je voulais grailler, j'avais faim de dingue. Je fais mon spectacle, ça se passe super bien, etc. Je me dis, bah, c'est bon, je suis délivré, tu vois. J'imagine les spectateurs à la fin qui devaient se dire pourquoi il a un chapeau, c'est pour de l'argent. Non, il a faim, il veut de la bouffe. J'ai faim de ouf. Le mec, voilà. C'est pas ce qu'il m'annonce. Il me dit non, on doit attendre que tout le monde ait fini de manger pour manger nous. Pourquoi? Les gens. Ça, en fait, le mec faisait un deuxième service après le spectacle. Là, je suis en. Comment te dire? Vraiment, je suis au bord du malaise. Ah oui, t'es en hypoglycémie à ce moment-là et tout. Oh, mais archi hypo, etc. Ok. La délivrance arrive enfin, il est 23h. Je n'ai pas mangé depuis que je suis parti de Paris à 11h, parce que je me suis dit, ah, oh, bah, c'est un peu mal poli si je bouffe dans le train, ils voudront peut-être qu'on mange ensemble à l'arrivée, etc. Pas du tout. du coup, je n'ai pas mangé depuis 11h, d'accord. Et je suis resté enfermé en mode confinement avant l'heure dans une loge toute l'après-midi. Attends. On passe à table. Le mec n'a même pas l'élégance au préalable de demander si, par exemple, si tu manges du porc, si t'es végétarien, si t'es vegan. Le mec, et Dieu sait, tu sais, Sofiane, j'ai d'une famille vraiment très modeste, tu vois, donc j'ai pas de soucis avec les trucs, les chichis, pompons, etc. Il n'y a pas de problème. Là, le gars, il ouvre une barquette de taboulé Leader Price, tu vois. Il sort des merguez et il crie « Ce soir, c'est couscous !» Décidément, le couscous te poursuit. Attention. Je reviens toujours dans ma vie, je kiffe tellement le couscous. Ça... Mais là, mais, t'as envie de dire, mais mec, c'est pas un couscous, c'est une barquette de semoule. C'est du taboulé, leader price. C'est du taboulé avec des merguez, ça n'a rien à voir avec du couscous. Oh là là là. Je ne me suis pas demandé si je voulais manger. Tu sais, parfois, il y a beaucoup. En fait, il faut quand même dire, pour rendre à César ce qu'il y a à César, il y a une majorité de cafés théâtre. Ils te demandent toujours si tu as des intolérances alimentaires, si tu veux manger quelque chose en particulier. Enfin, ils te traitent bien, tu vois. Oui, bien sûr. Je n'ai rien à foutre. Ce soir, c'est couscous. Le mec, au bout de deux verres de vin, il commence à être limite homophobe. Ah ouais. Il me dit, ça a fait complet ce soir parce que les filles en mini-jupe sur les affiches, ça fait toujours complet. Et je dis, Roger, je dis Roger, c'est un nom qui lui va, qui lui irait bien, tu vois. Ben, Roger, je suis pas une fille et je suis pas en mini jupe sur ma. Un peu quand même, le cauchemar, Sophia, le cauchemar. On prend la bagnole. Moi, je commençais vraiment à être énervé parce que du coup, en fait, j'étais hyper otage. Moi, j'avais pas de voiture, je pouvais pas partir. Le mec était à moitié homophobe, bourré. Et surtout bourré en bagnole, il commence à faire du 120 sur la petite route. Je lui dis non, mais là, calme-toi, c'est beaucoup trop. T'inquiète, je connais les radars. Je me dis, je vais crever sur une route de campagne à cause d'un taré qui m'a servi du taboulé. J'avoue que t'avais peut-être pensé mieux comme nécro, tu sais. T'imagines les faits divers ? Bref, on arrive aux fameux appartements. Non, il m'a dit c'est un hôtel. Et de toi à moi, vu le profil de la journée et de la soirée, je me suis dit, Jérém, tu vas pas finir dans un 5 étoiles. J'avoue que l'hôtel soit classe, ça aurait été étonnant dans cette histoire. On arrive dans une zone industrielle, mais moi, je le vois pas parce que c'est la nuit. Tu vois, il est 1h du matin. Ouais. Une espèce de petit pas un hôtel, c'est un motel. C'est pas un hôtel. J'ai bien aimé comment t'as hésité sur le M, tu sais. C'est un motel. Pas un hôtel, je te jure. C'est la douche, elle déborde dans la chambre. Sofiane, je te promets. J'aime pas être cru ou être vulgaire ou parler de ce genre de choses un peu pipi caca et tout ça. Mais là, je suis obligé de te préciser un truc. C'est que les murs étaient tellement fins, il y a un mec dans le motel qui a lâché une caisse, ça m'a réveillé en sursaut. Le mec, c'est lui qui a pété, c'est moi qui ai dû aérer la chambre tellement les murs étaient fins. Oh là là, j'ose même pas imaginer. J'ai été bouffé par les moustiques, la fenêtre, les moustiques passaient sous la fenêtre, c'était l'horreur. Le lendemain, je me réveille, je me dis, mais je suis où? Et j'avais localisé un spa. Tu sais, je m'étais dit, il faut au moins ça pour te remonter le moral. En fait, j'étais sur un parking au champ dans une zone industrielle, c'était pas un spa, c'était un vendeur de jacuzzi vide. Je suis allé voir, je lui ai dit, monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez pas m'en remplir un, hein, j'ai besoin. Mais c'est génial. Je te jure, et j'ai dû me réenquiller comme ça deux soirs là-bas. J'étais au plus bas de chez plus bas. Horrible. Mais c'est tellement contraste avec la soirée où tu remplis une salle de 250 personnes. Ça fait tellement contraste avec la solitude autour de ce qui se passe. C'est incroyable. Quoi. Bien sûr. Et encore, je ne te raconte pas des détails oufissimes pour pas qu'ils se reconnaissent, etc. et tout, mais qui les concernent eux ou ils m'ont mis dans des situations où j'étais spectateur de trucs à ne pas du tout voir. Enfin, tu vois, tu te dis non, je ne veux pas être au courant de ce secret. Je ne veux pas savoir ça. Non, mais tu vois ou pas l'horreur. Ouais, t'es en galère, quoi, parce que tu assistes à quelque chose auquel t'étais pas censé assister. Et puis après, les mecs, ils te font « Ouais, désolé, tu sais, voilà, il y a ci, il y a ça. » Même pas, ils sont moi, désolés. Rappelle... Pour eux, ça s'est passé trop bien. Ah, d'accord, ok. Non, parce que moi, je me rappelle d'un café-théâtre, le premier dans lequel j'ai joué, où la compagne du gérant, elle était vraiment bizarre, tu vois, elle était très lunatique, c'est-à-dire que dès le départ, elle s'est mise à me kiffer, je ne savais pas pourquoi, parce que tu sais, on s'entendait bien, mais sans plus, quoi, et elle s'est mise à me kiffer, elle me soutenait à fond et tout, et d'un coup sec, du jour au lendemain, elle s'est mise à me détester, et il n'y a rien eu qui justifiait le kiff ou la haine, tu vois, il n'y a rien eu ni dans un sens ni dans l'autre, et j'ai été voir le gérant, je dis, mais excuse-moi, mais elle est vraiment bizarre, et il m'a dit de lui-même, fais pas attention, elle a un pet au casque. D'accord. Ouais, donc tu vois. C'est juste sa femme quand même. Mais de toute façon, ils n'ont pas fini ensemble. Hein. Elle était tellement bizarre et tout. Il m'a dit, elle a ses têtes. Il me dit, toi, au début, ta tête lui revenait. Puis après, elle s'est mise à la détester. Enfin voilà, okay. On ne comprenait pas. Tu vois. Donc, tu vois, du coup, tu me demandais une galère de café-théâtre. Mais c'est la première qui me vient là. C'est que je ne sais pas pourquoi. J'étais aimé, puis détesté. J'ai jamais su, ni l'un ni l'autre. Et pourtant, j'avais pas amené de taboulé ni de couscous, moi, je te jure. Oh, j'ai eu des trucs, je sais pas si tu as eu ça. Bon, après, ton podcast, il va pas faire une heure non plus. Faut que j'arrête de raconter des anecdotes. Non, moi, pas, j'avais joué pas loin de Paris. Pareil, tu vois, c'était 2 soirs ou 3 soirs. Par contre, c'était une plus petite salle, c'était genre 50 places et c'était complet les 3 soirs. Donc, trop cool et tout. C'est complet. On m'envoie des messages en disant est-ce que c'est annulé? Moi, je dis non. Je jouais à 9h. À 9h moins 5, elle avait toujours pas levé le rideau pour le public. Tu vois ou pas? Non. Ouais. Mais normalement, tu ouvres au moins une demi-heure avant. Attends. Les gens arrivent, elle leur sert un verre de rhum à tout le monde, un shot de rhum. Oui, bien sûr. Bah, d'ailleurs, toi, Jérémy, tu ne peux pas jouer si tu n'as pas des gens bourrés dans la salle. C'est exactement ça. Attends. Et là, c'est pour ça que mon deuxième spectacle, j'ai interdit au moins de 16 ans. Le premier, il était pas vulgaire, mais ce n'était pas un spectacle pour les enfants. Plein d'enfants, et elle les met tous où? Elle les regroupe, elle les met tous au premier rang pour qu'ils voient mieux. Eh bien, évidemment, bien sûr. C'est tellement logique. Oh là là. Oh la galère. Et la meuf, elle faisait tout, elle faisait la régie. Elle m'envoyait les musiques d'un autre spectacle. C'était pas la bonne piste. Et moi, je disais, Chantal, c'est toujours pas le bon spectacle. Et les spectateurs, du coup, ils rigolaient ou ils étaient gênés? Ah ouais, mais eux, ils rigolaient, mais j'ai eu tellement de galères. Il y a un truc qui est tombé sur la scène. Non, mais tout. Il y a un téléphone qui a sonné, elle dit « Pardon, c'est moi, c'était la patronne, s'il te plaît. » Ah, c'est pas mal, ça. Quand la personne qui monte sur scène en premier pour dire à tout le monde « Éteignez bien vos téléphones portables, s'il vous plaît », c'est son téléphone qui sonne, j'avoue que c'est croustillant. Non, mais tu te rends compte? La nana, j'ai dû recompter les tickets, elle m'avait pas comptabilisé la moitié des entrées payantes. Enfin, tu vois, le cauchemar, quoi. Oh là là. Donc voilà, mais j'ai eu quand même, franchement, ça c'est des cas isolés, il faut qu'on dise quoi. Ce sont les petits bémols, mais tout le reste du temps, c'est du kiff évidemment. Ah ouais, mais les spectateurs trop cool, parfois t'as des super interactions, ça te donne des idées pour justement réécrire des vannes en plus pour ton spectacle. Moi j'ai des spectateurs, j'ai limite créé des vannes avec eux grâce à des accidents. Il y a plein de café-théâtre, ça se passe trop bien, il y a plein de théâtres, tout le monde t'accueille bien en général, tu vois. Mais voilà, c'était mes galères d'humoriste, mon Sofiane. Ah ben elles étaient magnifiques et merci à toi de les avoir partagées avec nous. Je t'en prie. Ah, je verrai plus jamais le taboulé de la même façon. Ce soir, c'est couscous. Merci beaucoup, Jérémy. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, on peut me retrouver sur Instagram, Jérémy Lorca Insta, et aussi sur Facebook. Je suis sur TikTok, mais je publie pas trop de trucs. Mais quand même, tu peux me suivre sur TikTok. Tu vois, je vais boucler la boucle, donc retourner au petit palais des glaces. Et j'espère que ça se passera bien, mais bien sûr que ça va bien se passer. Je vais prendre ma revanche sur scène de mon gros bide. Que j'avais fait avec David. Et puis voilà, et puis en attendant les Comédie Club parisiens. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.